Je ne sais plus exactement quand il m'est apparu que Doris était une ratée. Mais au beau milieu de toute cette agitation, j'ai vu un jour très clairement que Doris ne chanterait jamais de façon valable et que tout cela ne mènerait à rien. J'ai essayé de repousser cette pensée, de me persuader que je n'y connaissais rien, ce dont tout le monde était convaincu à la maison, de même qu'on ne mettait jamais en doute que si Doris désirait faire une carrière de chanteuse, elle n'avait qu'à le vouloir. Il y avait des tas de raisons pour le croire, car effectivement, elle avait une voix, personne ne pouvait le nier. C'était un haut soprano, assez fort, d'une jolie qualité, qui lui rendait facile des coloraturas dans quoi elle se spécialisait. Je n'ai pu repousser complètement mon impression. Je savais brusquement qu'elle n'était pas une chanteuse et j'étais incapable d'expliquer comment cette conviction m'était venue. Cela ne rendait pas les choses faciles. D'abord parce que j'étais obligé de l'aider à réaliser sa folie, tout en étant sûr qu'elle raterait son coup et sans le lui dire. Ensuite parce que je l'aimais tellement qu'il m'était impossible de la quitter des yeux quand elle était près de moi et que cela me rendait malade de la voir agir comme une insensée. Enfin, il y avait ce Lawrence. Puisque moi j'avais deviné qu'elle n'avait pas d'avenir, il devait bien le savoir lui aussi. Alors pourquoi lui donnait-il des leçons gratuites? Il était souvent là, en général avant le dîner. Il fredonnait des chansons avec elle. Un soir où lui et moi nous attendions que Doris rentre à la maison, j'ai tenté de savoir de quoi il retournait. Je n'y suis pas parvenu. Et je sais pourquoi je n'y suis pas parvenu. J'ai fait comme l'autruche, je craignais tellement de découvrir ce que je ne voulais pas savoir. Non pas qu'il ait l'idée de me le dire, mais je l'aurais bien senti tout seul, et ça je ne le voulais pas. J'en arrivais à rester éveillé la moitié de la nuit, à me ronger les poings au bureau en y songeant. Mais là, alors que j'aurais pu agir, j'ai reculé pour ne pas voir. Nous sommes restés l'un devant l'autre à boire nos cocktails en épiloguant sur les femmes qui sont toujours en retard. Puis Doris est rentrée et a commencé une tyrolienne. Alors je suis monté au premier. Thank you. rivages des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meurs avec agilité, et comme un bon nageur qui se bat dans l'eau, tu sillonnes les mers. Je me suis senti le rouge aux joues. J'ai bondi, j'ai saisi mon chapeau et me suis excusé rapidement. Le récital n'a pas servi à grand-chose. La salle était remplie à craquer de snobs. Ils ont applaudi tant qu'ils ont pu, mais qu'est-ce que cela signifiait ? Je suis resté avec les enfants, Randolph et Evelyne. Nous aussi, nous avons applaudi beaucoup et lorsque sur la scène sont arrivées des tonnes de fleurs, parmi lesquelles étaient les miennes, bien entendu, Nous sommes partis dans les loges avec la foule pour affirmer à Doris à quel point elle était magnifique. Nous avions vraiment l'air d'une bonne petite famille très heureuse. Mais dès que je cessais de rougir en me souvenant de ma visite aux critiques, je rougissais pour un autre motif. Un tiers de la salle était composé d'enfants. C'est ainsi qu'ils nous faisaient comprendre que nous pouvions aller au diable, ces gens que nous avions tapés. Ils avaient pris des billets, mais ils avaient envoyé leurs enfants avec les nurses. Yeah. Elle habitait au 10e étage, un appartement avec un grand piano et de la musique étalée partout. Elle est venue elle-même m'ouvrir la porte. Je lui ai donné 30 ans, mais j'ai découvert plus tard qu'elle en avait deux de moins. Les cantatrices paraissent toujours plus âgées qu'elles ne sont. On sent que ce sont des femmes et non des jeunes filles. Elle n'était vraiment pas mal. Une peau d'ivoire pâle avec des cheveux et des yeux noirs. Je crois que je n'ai jamais vu d'aussi grands yeux sombres. I'm going on down the line. Elle était assez grande et mince, quoique un peu lourde du buste. Elle portait une robe bleue sombre très simple, mais qui venait d'une grande maison. Je l'ai bien vue. Néanmoins, pour quelqu'un habitué au raffinement des toilettes de Doris, ce n'était pas tout à fait ça. Elle m'a expliqué plus tard qu'elle ne savait pas s'habiller, que la plupart des actrices sont ainsi et qu'elles agissent comme elle. Elle s'adresse à la meilleure maison, achète ce qu'elle trouve de plus simple, paye très cher et souhaite ainsi être correcte. Le résultat cherché était atteint, mais cela n'avait pas d'importance. Vous ne pensiez plus à la robe quand vous aviez vu les yeux. We'll be right back. Elle avait préparé à boire et elle m'a demandé si j'étais musicien. J'ai répondu que non, que j'étais entrepreneur et je ne sais comment. Je me suis aperçu bientôt que j'avais bu deux verres et que j'étais là à bavarder sur mon compte comme un contrôleur de Pullman. Elle souriait et inclinait la tête comme si les ponts de chemin de fer étaient les choses les plus passionnantes dont elle eût jamais entendu parler. Ses yeux me regardaient et quoi que j'aie bu, j'ai compris que je me conduisais comme un collégien. Cela m'était égal. C'était la première fois qu'une femme prenait quelque intérêt à m'écouter et j'étais heureux. J'ai pris encore un verre et j'ai continué à parler. We'll be right back. Nous nous sommes arrêtés là. Malgré tout, la façon dont elle avait critiqué le style de ma femme avait diminué un peu la valeur de ses compliments. Elle a voulu me remettre sur le ciment armé, mais je ne sais pourquoi d'avoir parlé de Doris avait enlevé tout le plaisir que j'avais éprouvé tout à l'heure. Après quelques minutes, je l'ai remerciée, me suis excusé et tout le mal que je lui avais donné, et je me suis levé. Elle est restée assise et ses yeux, en se levant vers moi, ont eu un curieux regard. Williges Fleisch, voll Verlangen, sie war die Gier. Mehr ihr, hat es Spaß gemacht. Mehr ihr, hat es Spaß gemacht. Sie war ein Mädchen, ein schönes Mädchen. Sie war eine Provokation. Keine Schmerzen, keine Fragen. Sie war ein Tier. Mit ihr hat es Spaß gemacht. Mit ihr hat es Spaß gemacht. Mein Körper für ein paar Spritzer, sie war ein Körper für ein kurzes Stöhnen, sie war ein Körper, ein reizender Torso, sie war perfekt. Wow. Sie war ein Hütchen für mein kaltes Zimmer, sie war ein Körper für mein leeres Bett. Sie kannte die geilsten Dinge, sie war die Schande, sie war perfekt. Mit ihr hat es Spaß gemacht. Mit ihr Ach, das Spaß gemacht. Merkt ihr? Hat es Spaß gemacht. Merkt ihr? Hat es Spaß gemacht. Merkt ihr? Brusquement, elle s'est levée et elle est allée s'asseoir sur le divan. Son visage était blanc. Je me suis souvenu que les autres paroles n'étaient pas très convenables et j'ai marmotté des excuses pour expliquer que c'était les vraies paroles et que je n'y pouvais rien. D'ailleurs, je ne comprenais pas très bien ce qui l'avait fâchée. Elle ne m'avait pas semblé être quelqu'un qui se blesse pour ce genre de choses. Mais elle continuait à m'examiner. Cela m'a fâché à mon tour et je lui ai déclaré que c'était une chanson épatante, qu'elle lui plaise ou non. es ja viel zu spät. Ich tut einfach in Lanze, nicht der Arzt und den Rock. Dann haben wir keinen Spaß, haben wir kein Bock. Geht ihr nicht, wollt ihr nicht und wir sind nicht verstehen. Like me, wenn wir mal andere Wege gehen. Nicht viel von den anderen und auch nicht viel von euch. Wir haben unseren eigenen Weg und der heißt für uns. We'll be right back. wanna make it on your own. You get fed up, take this ball, take it home. With you, you can mow, you can root, do whatever it is that you do. Some things are easier unsaid, undone. Some wars are easier just left unwon. Sometimes easier just to give up. Sometimes the going get gone, the going get tough. Whoa, nobody wants to die alone. But it's the only thing I'm sure of. Don't care to you and everyone you know. Everyone shares in the same fate. From the princes and paupers, gypsies, tribes and thieves, the sinners and the saints. Whoa. Ses yeux n'étaient plus grands ouverts. Ils étaient presque clos. Un frisson m'a parcouru. Il était temps que je parte. J'aurais dû partir. Et je ne suis pas parti. Je me suis approché d'elle. Je me suis assis. Et j'ai mis mon bras autour de sa taille. Je l'ai renversé un peu et ma bouche a touché ses lèvres. Elles étaient chaudes. Pendant une minute, nous sommes regardés dans les yeux, visage contre visage. Puis elle a murmuré. C'est vous qui m'embrasserez le premier. Écoute, Léonard, je ne te dirai rien de ce que Hugo m'a raconté, sauf ceci. Aucun homme n'a jamais droit aux faveurs de ta femme. Même pas Hugo, si cela te préoccupe. Elle s'arrange à les rendre fous, mais elle reste froide et ne pense jamais qu'à elle seule. Je crois franchement que tu peux croire Hugo sur ce point. Il connaît mieux les femmes que toi, et même s'il en est toqué, elle ne l'a pas abusé une seconde. Est-ce que cela va mieux ? Set. The light, the red light's on, we're recording. Oh. Bye, Let's hear it for the shirt. I didn't realize you were getting married right away. For a buzz, now I just wrote it. nothing but a downtown garage beat poet. Nothing but a downtown garage beat poet. Now just wait till you're سارا هستم 28 سالمه. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans. در حال حاضر دانشجوی زبان فرانسه ام توی یکی از دانشگاه‌های تهران. Je suis étudiante en langue française dans une université de Téhéran. 4 سال پیش دقیقاً همین روزا شهر ما il y a 4 ans exactement, on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues. هیچ وقت ندیده بود. ما جوونا همه les jeunes ont donné des slogans. آزادی بیان فقط تو همون یه هفته بود. On a vécu une semaine de liberté d'expression. Et puis, on s'est couché un soir, on s'est levé et on nous a traités d'imbéciles. J'ai vraiment commencé à voir la vie en gris à partir de ce moment-là. Of my life. gentlemen, you will not believe what we have to offer you this week. Dan Spector, man. They say you can do whatever you want, basically. He's got the ultimate power. You will finally have the ultimate power. Where's my waiter? From the Japanese drug store. I'm so excited, never used it before. I really need a new banana slicer. Cut everything in pieces with a nice new dicer. Got a switching windscreen wiper car. Use a windscreen wiper blade trimmer. When you face the blues hood with lightning blast, you better wear a special plastic stone stone mask. Can't get in for all my problems. The apparatus of the ultimate power. Let the sand play back in cleaner. The apparatus of the ultimate power. Can't get in for all my problems. The apparatus of the ultimate power. Let the sand play back in cleaner. For Pete's sake, Jeremiah, I think it broke the darn thing just now. مجده هستم، تهران زندگی میکنم، شغلم آرایشگریه. Je m'appelle Mojde, j'habite à Téhéran, je suis esthéticienne. اصلا رأی نخواهم داد، برای اینکه وقتی کسی که از قبل Je ne voterai pas, parce qu'on sait à l'avance qui va être élu. تعیین شده که کیه من دیگه چه کاریه که بخوام برم رای بدم voter à quoi ça sert et beaucoup de mes clients qui viennent dans mon salon d'esthétique disent aussi qu'ils ne vont pas aller voter. All right if you go, I'll get along well without you. Martina هستم 42 سالمه. Je m'appelle Martine. J'ai 42 ans. تو 4 سال پیش از هر کی سوال می‌کردی یا می‌دیدم منتظر انتخابات. Il y a 4 ans, tout le monde attendait les élections avec impatience. Ils participaient, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. حتی دیگه حوصله اینو نداری پای تلویزیون بشینی که ببینی اینا چی میگن. Je n'ai même plus envie de m'asseoir devant la télévision et d'entendre ces débats, ce qu'ils racontent. برات مهم نیست چون میدونی وضع از این بدتر میشه. Ce n'est plus important pour moi. Je sais que la situation va empirer. Is now part of my future. The present is well out of hand.